89.1 FM. Décision de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 12 au 18 octobre 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut Tania. Ça va bien? Encore une fois, t'es là. Encore une fois, en remplacement oui. De personne du tout. C'est ça. C'est la place d'être seule, c'est ça. Mais c'est correct, ça. Moi, je prends place à chaque semaine sans même le savoir 15 minutes avant l'émission. Ben, on a dit la semaine passée que trois fois, ça devient une tradition, ça devient un contrat verbal, je crois. Je crois que oui, j'ai pas signé de papier, mais je pense que c'est un contrat verbal. C'est ça, donc on va s'attendre à t'avoir à chaque semaine. Parce que correct, sinon, l'émission va être plate pour l'auditeur, mon voyant. Oh, t'es donc gentil. Ben, c'est vrai pareil, hein. Oh. Donc, semaine du 12 au 18 octobre, la semaine passée, celle qui se terminait le 11 octobre, on avait un numéro 1 anglophone qui s'adonnait à être Metric avec The Shade. Puis du côté francophone, eh bien, c'était Philippe Braque avec Christelle, on se souvient. C'était bon, ça? C'était bon. Ben oui, le sommet était très bon. Est-ce que cette semaine, ils sont encore au top 1? J'ai des doutes. Les deux étaient stables en première la semaine passée. Oui, c'est vrai. Ça me surprendrait qu'une troisième semaine, les numéros 1 soient les mêmes, mais je connais pas la suite des choses. On sait jamais. Ben non. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va avoir quelques chroniques. Hein. Vous savez, depuis le début de la session, c'est rare que toutes les chroniques sont là en même temps. Hein. On doit faire avec ce qu'on a. Donc, cette semaine, on va avoir Palmer Rest in Peace. On va dire au revoir aux pièces qui nous ont quittées depuis environ 3 semaines, 1 mois. Environ. Comme ça. On a le retour de C'était fou, la chronique où on retourne dans l'histoire pour entendre des numéros 1 d'une semaine précise. Cette fois-ci, ça va être en 2002. Mm-hmm. C'est le plus loin qu'on peut aller. Donc, ça s'en vient plus tard dans l'émission d'aujourd'hui. Mais pour commencer, c'est la portion new shit de l'émission. On va se remplir les oreilles de 6 nouvelles entrées. En anglophone, on va retrouver The Matadors, The Sheepdogs ainsi que The Fratellis. Et du côté francophone, eh bien, on va retrouver comme d'héro les Sœurs Boulay qui font leur entrée cette semaine au palmarès et Cathy Moore. Mm-hmm. Commençons avec les 20e places tout à l'heure en anglophone de Matadors et Three Wolf Moon. Et du côté francophone de comme d'héro, eh bien, c'est Phone Free. Au 89 FM, c'est les palmarès, c'est fou! Entrée.

qui se roule dans brume avant que je tombe en panne. Fais-moi un shoot de boucan. Il s'approche. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nouvelle entrée. Maybe it's good to feel alive and waste away time. Close your eyes, my sweet baby, it's a crazy time. It won't change me, try to understand. I'm a complicated man, a diamond in your hand. The Sheepdogs, la pièce Downtown, nouvelle entrée en 19e place sur l'album Future Nostalgia. Sheepdogs, qui est un groupe de rock canadien formé à Saskatoon, en Saskatchewan. Ouh, quand même! Du côté francophone, en 19e position, eh bien, on a entendu les Sœurs Boulay. Comme on disait, c'était une nouvelle entrée avec Fais-moi un show de boucan. Ouais, elles sont gaspésiennes, ces deux-là. Ah ouais, je savais pas. Avant, en 20e place anglophone, c'était The Matadors et la pièce Three Wolf Moon sur l'album Say You Love Satan. Et eux, c'est un groupe de horrorbilly, donc du rockabilly, mais horrifiant, si on veut. Okay. Ça vient d'Ontario. Oh, et du côté francophone, eh bien, c'était Comme des Roux avec Phone Free. T'as-tu trouvé lui, il venait d'où? Ou eux? Ça, je sais que ça a été enregistré par Ricky Pocket. Ricky Pocket. C'est comme un petit Ricky de poche, un petit... Ben oui. Ricky Pocket. Ricky Pocket. puis non, ça dit pas vraiment de où ça vient. Attends. question, là, non. Alors, Joliettin, c'est Joliettin. Ah, Joliette, bon. Joliettin. Joliettin. Hein? On se pose la question, hein? Pocket. Ah ouais. Donc, ça, c'était quatre de nos nouvelles entrées. Tu viens de, est-ce que tu viens de la pognée, comme de poche? Mais non, non, non, du tout. C'est parce que j'ai un ami qui s'appelle François Paquette. Mais dorénavant, tu vas l'appeler mon petit François de poche. C'est sûr. Je vais faire ça. Il nous reste encore deux nouvelles entrées. En anglophone, c'est The Fratellis, le groupe que j'adore, qui est de retour enfin. Leur nouvel album s'appelle Eyes Wide, Tongue Tied. Et puis, la nouvelle entrée est en 18e place, Me and the Devil. Du côté francophone, eh bien, on vous parlait d'une 18e place. Une nouvelle entrée, encore une fois, Katie Moore. Avec Tu ressembles à tous ceux qui ont eu du chagrin. Oh, wow! C'est un c'est bon détaillé. Titre de tune, hein? Ah, oh, ouais, ok. C'est des palmarès si fous au 89. Mais j'ai hâte d'entendre. Ouais, moi aussi. D'après moi, c'est triste. Ouais. Écoutons ça, va. Au 89 FM. Nouvelle entrée. Thank you. for me. Make all your promises rhyme for me. Keep me in line, but do it honestly. Make it real, make it slow, stay alive for me. La pièce Me and the Devil par The Fratellis, nouvelle entrée en 18e place anglophone. Et du côté francophone, eh bien oui, on avait entendu la nouvelle chanson de Katie Moore, Tu ressembles à tous ceux qui ont eu du chagrin. Ah, tellement Katie Moore, que t'allais voir d'où elle venait, elle? Katie Moore, j'avais vu, attends, laisse-moi revérifier. Mais si je me souviens bien, elle était d'ici. Ah ouais, ouais. Ben quand même, toi. Hein, on dirait qu'on était mieux préparé dans le précédent bloc. Tout à fait. On dirait vraiment beaucoup. Là, c'est assez méprisant. Moi, The Fratellis, c'est un groupe écossais en passant. Ah, bien, Katie Moore vient du Québec. Ben voilà. Ben voilà. Qui est dit. 6 nouvelles entrées, Tania. Oui. Ça veut dire qu'on a dit au revoir à 6 autres. Oh. Et en plus de ça, on n'a pas fait de Palm Rest in Peace depuis 3 semaines. Donc, on va dire au revoir à tout le monde qui nous a quittés depuis le 14 septembre. Donc, voici un super long bloc de Palm Rest in Peace. Just mountains of change. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis le 14 septembre 2015. I don't

anglophone, il n'y a plus grand trace de l'été dedans. Non, c'est vrai. Il n'en reste pas tant que ça. Il reste encore Baden-Baden, les incendiaires. Justement, les choses qu'on va sauter tout de suite parce qu'elles sont tellement vieilles. Parlons-en. Hein? Donc, du côté francophone, on va sauter par-dessus les 17, 16 et 15. Eh bien oui, on va sauter par-dessus Délices de Sahara, J'ai plongé dans le bruit de Baden-Baden. Et on saute aussi L'éléphant s'évapore des incendiaires qui est en 15e place. Mm-hmm. En anglophone, on va sauter les 16 et 15. En 16e, c'est The Weather Station avec Loyalty qui est là depuis 7 semaines de palmarès. Et en 15e, Fake Tears avec You Want the Light qui est là depuis le début de cette session automnale. On va entendre une seule pièce dans ce bloc de 6. Donc, on en saute 5, on écoute une. C'est parce qu'elle était nouvelle la semaine passée. Elle monte de 3, vraiment tranquillement, pas vite. C'est Worst Nightmare. Voici la formation Hag Face au palmarès. C'est fou. 89.1 FM. I'm your we'll be right back. 14. I'll be your leprechaun. Shamrock, a lucky charm. Whoa. Hey. Tap dancing all alone. And it's okay. Dip into the sugar bowl. Side Up, Fate No More, album Sol Invictus. Position numéro 14, ça descend de deux places. Et du côté francophone, eh bien, on a entendu Rose Fargo avec Velvet de l'album Mascarade en 14e place. Tu t'es rendu compte que t'aimais ça, je pense, oui. Velvet. Mais c'est là quand même depuis 7 semaines. Mais des fois, ça prend un bout de temps avant de s'approprier une pièce. Hein? Oui, tout à fait, parce que je pense que j'avais jamais vraiment remarqué que c'était eux qui chantaient cette chanson-là. Tu disais que c'était deux personnes? Ben, elle. Elle, les deux filles. Ouais. OK. C'est ça. Ouh. Mais c'est local, c'est québécois. Oui. C'est Montréalais. Montréalais. Rose Fargo, génial. Tiens, on va continuer avec les 13e places. Du côté anglophone, ce sera Twin Bandit avec Rosaline qui monte de 2. Et du côté francophone, eh bien, c'est Poésie Automatique du band Ponctuation. 13e place, on a quand même descendu de 5 positions pour la formation. Génial. Les palmarès, c'est fou, continue tout de suite. Au 89.1 FM. Tout de suite, genre, bientôt. Genre, là. Moi, c'est ça. C'est comme, bientôt. Ouais, ouais. Ah, c'est moi, c'est ma faute. Mais c'est pas grave. Je blâmais l'équipement, mais non, pas là. J'ai comme senti un doute dans ton visage, en plus. C'est comme... Dans la voix, dans le visage, dans le corps au complet, là. Ouais. Mais oui, mais... C'est pas de ma faute. C'est pas grave. Ça paraît pas pour ça. Mais non, c'est pas grave. Mais non. Mais non. On est là pour remplir les trous. C'est ça. Mais c'est pas parce qu'il y a un trou qu'il faut absolument que tu le remplisses. Ah non, ça c'est sûr. Sur ce... We'll be right back. tracks on your skin. Tell me how far you've been. And it's a story that I found hard to hear. You have seen a lot for a woman of your years. I could shed a sea of tears just to think it. You always came undone, didn't you? You were always looking for somebody you could love, but you never really cared for yourself. Rosalyn par Twin Bandit. Ça monte de 2 en 13e position anglophone. Et du côté francophone, eh bien, c'était Poésie automatique de ponctuation. On a descendu de 5 positions pour la formation. Ça reste bon, ça. Mais oui, ça reste très bon. Ça reste bon. Les palmarès, c'est fou, reste toujours bon. On fait pendant une période d'une semaine. C'est la semaine du 12 au 18 octobre 2015. On va arriver bientôt en fin de première heure. Donc, on va se clencher les dernières pièces qui rentrent dans le temps. Il nous reste environ une dizaine de minutes avant la fin de cette première heure. Donc, allons-y tout à l'heure avec No Joy et Remember Nothing qui descend de 2 en 12e anglophone. Et on reste à la même position que la semaine dernière pour La vie du bum de le Winston Ben. Dans les palmarès, c'est fou! Au 89.1 FM. J'en ai pas mal. Et là, sur mon chemin rencontre une belle qui veut de moi. Se fait à marcher vers le nord, à faire l'amour à tous les soirs. Ouais, traverser le temps en bas, marchant bien plus loin encore. On a tué les animaux, on a mis les poules sur nos dos. Placé en résidence. À l'heure, tout d'un coup s'il est levé. Tout d'un coup je m'assois. Et en tête j'oublie toute cause de joie et de fracas. Mmh. 11. C'était Pony! Et la pièce c'est de l'amour argent stable en 11e francophone. On a sauté la 11e anglophone. Oui, la 11e anglophone était Saturday Night de Yukon Blonde, mais comme tu dis, on l'a sauté. Exactement. Voilà, c'est la fin de la première heure, la portion New Shit de l'émission. Les Palmarès, c'est fou. On se retrouve dans quelques instants pour la portion Top 10. Oui, au 89 FM. Oui, puis en plus, vous êtes fin. Toi, je sais que Tania, t'es toujours fine. Oui. Hein? Toujours sage. Tout le temps. Je vais t'offrir un bloc C'était fou dans la deuxième heure. Oh! Reste là, toi, là, là, là. Oh oui, je vais y rester. J'y crois. Vous êtes assez fou. 89.1. Bon retour, c'est la deuxième heure, la portion top 10 des palmarès. C'est fou pour la semaine du 12 au 18 octobre 2015. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante, évidemment. Oh, ben, bien sûr. Évidemment. Ben oui, évidemment. Parce qu'on est un duo de feu, apparemment. OK, je pensais que t'étais en train de dire que j'animais toutes les émissions. Ben non. Ben non. Mais c'est vrai, par contre, qu'on anime ensemble l'assemblage requis. Oui, on anime beaucoup d'émissions ensemble. Et que c'est pas assez. Non, et voilà. On se fait 8 heures par semaine le matin entre 6h30 et 9h30. Attends. Pour être vrai, faudrait dire 3, 6, 12 heures. C'est vrai. Par semaine. 12 heures. C'est live juste pendant 8 heures, là. On ne dira pas trop fort. Donc, on s'est dit qu'on allait rajouter 3 heures de plus pour faire les palmarès siphons ensemble parce qu'on s'aime tellement de relations de radio. Hein? Mm-hmm. On aime ça animer ensemble, c'est ça que ça veut dire. Mais oui, on aime ça animer ensemble. Pas d'affaires croches derrière ça. Non, s'il vous plaît, il se passe absolument rien en dessous du bureau. C'est ça, c'est pas parce qu'on check Tinder tout le long de l'émission, okay. Quoi? Donc, on était rendu aux positions numéro 10. En anglophone, c'est She Serpent qui descend de 6 places avec Black Sun. Et du côté francophone, eh bien, c'est Vilaine Fille et Mauvais Garçon avec Constance. Donc, on a droppé de 1 place seulement au palmarès. Okay. Si ça avait été stable, on aurait pu dire qu'il y avait une certaine constance, mais là... Mais malheureusement, non. Elle oscille. Ouais. Dans le milieu du palmarès. Elle était une vilaine fille. C'est ça, c'est un peu comme She Serpent là, qui oscille de position aussi. C'est comme un serpent, tu sais. Pareil. Plein de jeux de mots à faire, mais on va attendre au numéro 1 avant d'en ouais, faire trop. Parce que là, tu vas toutes les perdre sinon, Matt. Garde le meilleur pour la fin. Dit-elle. Dit-elle. C'est un happy ending, ça. Au 89.5. c'était She Serpent et Black Swan pour son numéro 10 qui descend de 6 places en anglophone. Et francophone, on a descendu de seulement une position pour Constance de la formation Vilaine Fille Mauvais Garçon. Tu vois, parlant de Constance, ça faisait 6 semaines que je disais Black Swan. Ouais. Parce que c'est écrit Swan, S-A-W-N sur ma feuille. Mais là, j'ai vérifié la pochette puis c'est Swan. Fait que je vais changer. Faut s'adapter dans la vie des fois, tu sais. Eh bien oui. Faut s'adapter. On n'a pas le choix. Ben non, c'est ça, She Serpent. Hein? She Serpent. C'est le même. Le prochain bloc sera le dernier avant notre bloc C'était fou. Donc on va retourner en arrière jusqu'en 2002. Continuons avec les positions numéro 9 en anglophone, c'est Fist City et Hey Little Sister, c'est dans la 9e place anglophone. Et du côté francophone, eh bien sur l'album Les femmes sont comme des montagnes de Philémon Simon, eh bien c'est la pièce La musique qu'on entendra qui a quand même descendu de 4 positions cette semaine, alors 9e place pour Philémon Simon. Est-ce que ça veut dire qu'elles sont dures à grimper? Peut-être. À escalader. Comme des montagnes. C'est ça, il faut que tu insères ton pic à bonne place. Ça veut dire ça. Voilà, c'est dit. C'est les palmarès, c'est fou, hein, tu l'avais dit. Ouais. La musique est un amour, un amour, un sens unique, Véronique. Vire autour de moi, mais la musique est un amour, un amour qui me déchire. Véronique sur moi. Fist City, Hey Little Sister, position numéro 9. C'est descendu de 2 en anglo. Et du côté franco, eh bien, c'était la musique de Philémon Simon qui lui a descendu de 4 places. Ah ben, ah ben, ah ben. Tantôt, on va entendre Simon Kearney, l'ancien numéro 2, ainsi que The Deers. Mais avant ça, c'est le moment de faire une chronique qu'on n'a pas fait depuis le mois d'avril. Ouh, quand même, ça fait très longtemps. Oh oui, voici C'était fou. Voici, on recule à la semaine du 4 octobre 2002. C'était fou pour la semaine du 4 au 10 octobre 2002. On a débuté avec les Vulgaires Machins et la pièce Dieu se pique sur l'album Aimer le mal. Ensuite, ça c'était le numéro 1 francophone en passant. Okay. Numéro 1 anglophone, Queen of the Stone Age avec God is in the Radio sur l'album Songs for the Deaf. Et en bonus, je vous ai choisi un morceau de Le Nombre. J'ai besoin d'un appareil sur l'album Le Nombre. Ailleurs, dans cette même semaine du 4 au 10 octobre 2002, il y avait aussi du Arsenic 33, il y avait des Marmottes aplaties, il y avait Coldplay. Oh. Avec God Put a Smile on Your Upon Your Face, Jerry Cantrell, The Vines, Supergrass, Papa Roach, oui. Wow. Ainsi que Seether. Voilà, donc semaine du 4 au 10 octobre 2002. Le lien vers tout ça est dans cette édition numéro 401 des Palmarès C'est Fou. Allez voir sur assemblagerequis.com pour en savoir plus. Voilà, et c'est pas parce que c'était fou que ça continue pas de l'être. Mais bien sûr que non. On revient à nos Palmarès C'est Fou dans le présent pour la semaine du 12 au 18 octobre 2015. En anglophone, la 8e position est occupée par The Deers avec I Used to Pray for the Heavens to Fall qui est stable. Et du côté francophone, eh bien, en 8e position, on a fait quand même un saut de 11 positions en haut. Alors, on a une belle remontée pour Simon Kearney avec la pièce En attendant. Dans les Palmarès C'est Fou, et ça commence là. Au 89 FM. 1, 2, rock. Avec le temps, je fais en attendant vider le cinéma sans souvenir en attendant. Je n'essaierai même pas de surprendre les grands rôles, je connais les nommés. Je n'essaierai même pas de comprendre en attendant. cœur et les victoires, les rêves libres. Je l'espère en attendant. Je n'essaierai même pas de serpent tous les grands rôles, je connais les répliques. Je n'essaierai même pas de comprendre en attendant. It's not the same. La pièce s'appelle I Used to Pray for the Heavens to Fall, stable en 8e de la formation de Dear sur l'album Times Infinity. Et tout juste avant, eh bien, on a entendu du Simon Kearney avec En attendant de l'album La vie en mauve. Très bon petit bloc, ça. Oui, c'était très bon. Calme, pas trop... Pas trop élevé. Pas trop élevé, pas trop accrocheur, mais quand même intéressant, quand même. Comme oui, musicalement. Oui. Mm-hmm. On est rendu au numéro 7. Oui, déjà. Les choses vont bien. Les choses vont très bien. On s'entend. T'sais, il nous reste encore la moitié de l'émission. On a le temps d'entendre plein d'autres bonnes musiques. Donc, en 7e anglophone, on va retrouver Beirut avec Gibraltar, qui monte de la 19e place. Et ça, ben, c'est quand même un bon bon. Hein. C'était une nouvelle entrée en fond de palmarès la semaine passée. Ah, ouais. Oui, ça a fait plus de la moitié de vers le haut. Respectable. Oui, respectable, ouais, très respectable. Moi, j'y trouve cool quand même. Du côté francophone, eh bien, en 7e place, on a fait un saut de 13 positions vers le haut parce qu'on va aller écouter du Galaxy avec la pièce Portugal. Oh yeah! Oh yeah! C'est pas mal, c'est fou! Au 89.1 FM. We'll be right back. Gibraltar. C'est la 7e anglophone, ça monte à 19 et c'était une nouvelle entrée la semaine passée. Du côté francophone, eh bien, comme je vous le disais, on avait fait quand même 13 places vers le haut pour Galaxy avec la pièce Portugal de l'album Zulu. Eh oui! Aujourd'hui, on n'a pas grand-chose à dire, je trouve. Mais non, hein? Je sais. Plate. Mais au moins, ce qui est le fun, c'est que toute la musique rentre parce qu'on va avoir le temps d'entendre nos deux 6e places. Mm-hmm. Puis après ça, on entre dans le top 5. Est-ce que tu savais que hier, c'était la date où l'UQTR ouvrait officiellement sa bibliothèque le 12 octobre 1976. Ah, wow! Tu vois, j'ai quelque chose à dire maintenant. Et ça tombe bien qu'ils aient changé le nom de la bibliothèque pour Roi Dénommé. Oui, exactement. La semaine d'avant. Ou... Ça porte maintenant le nouveau nom Roi Dénommé, comme tu viens de le dire. Dénommé ou Dénommé? Dénommé. Dénommé. D'accord. Oui, dans le pavillon Albert Tessier. Tout à fait. Belle bibliothèque, belle place. On est allé tantôt prendre une photo pour la future chroniqueuse littéraire du Zone Campus. Annabelle, les chaînes gagnées? Ça fait 39 ans que c'est ouvert. Oh! Quand même. M'assurer que je dis son nom correctement à Annabelle. Pauvre on Annabelle l'espère. Qui commençait ce matin. Annabelle, des chaînes gagnées. C'est ça, exactement. J'aime ça. Des chaînes gagnées, c'est comme gagner des chaînes, c'est cool. Ben mettons, oui. Mettons, pour ta TV, mettons, je gagne des postes. Là, oui. Elle a gagné un poste qui est celui de chroniqueuse littéraire au Zone Campus. On comprend? On comprend très bien. On comprend. Donc voilà, j'ai dit qu'on aurait du temps pour écouter les 6e places. Ça donne vraiment bien. Tout ça va rentrer là, comme absolument bien dans la petite boîte. Du côté anglophone, on retrouvera Ratatat avec Abrasive qui descend d'une place. Et du côté francophone, eh bien, en 6e place, on reste à la même position que la semaine dernière parce que Arthur Comeau va nous chanter Pour pêcher. Oui, puis lui, on sait que sa position prend de la place parce qu'elle dure 6 minutes. Oui. Mais ceux qui aiment ça aiment bien, bien gros ça. C'est l'ancienne Radio-Radio, ça. Oui, oui, oui, c'est ça. C'est l'ancien gars de ce band-là. Ouais. On va rester fou. Au 89.1 FM. Danse d'Ime. Danse d'Ime. Caché. conséquence, tu brûles le feu que la mort lie l'avenir à toi. Et dans mes pour rêver les. 6 avec en anglophone Ratatat et Abrasive qui descendent une place. Et du côté francophone, eh bien, c'était Arthur Comeau pour pêcher. On avait le temps de pêcher avec ça. Ouais, pas mal, hein, une longue pièce, mais quand même. Donc, c'est la fin de la portion top 10. On se retrouve dans quelques instants avec le top 5 et on va savoir d'ici la fin si notre numéro 1 anglophone est toujours Metric et The Shade. Et on va savoir si notre numéro 1 francophone est toujours Philippe Braque avec Christelle. Au palmarès, c'est fou, retour, restez là. FM. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. C'est la troisième heure des palmarès. C'est fou pour la semaine du 12 au 18 octobre 2015. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, troisième et dernière heure, le dernier tiers de l'émission. Oui. Ça va bien? Ben, très bien. Top 5, je veux dire, que demander de plus? Pendant que le soleil se repointe le bout du nez. Ah, voilà, voilà, pour ceux qui nous écoutent le mardi. Oui, tout à fait. C'est drôle comment, à chaque semaine, la pluie tombe sur les palmarès C'est fou le mardi. Le reste de la semaine, ça va plutôt bien. Oui, tout le temps. Je comprends pas trop. Mais on doit porter malheur, que voulez-vous? Ça doit. C'est sûrement ma faute, comme toujours. Hein? On sait que c'est la faute du gars. Hein? Ça. Donc, en cinquième place anglophone, c'est une pièce que vous connaissez peut-être, celle de Metric, The Shade, l'ancien numéro 1 en cinquième place maintenant. Et du côté francophone, eh bien, c'est les 100 pas de Joël Saint-Pierre qui fait quand même un saut de 13 places du côté francophone pour se retrouver à la cinquième position. Génial pour elle, elle est très relaxe, donc on va se calmer un petit peu. On va laisser le fond se terminer. Oui. Et partir ça. J'ai perdu le reste de ma tête confondue. La guerre avec la fête pour être avec toi, contre toi. Je t'attaque et je veux que tu m'aimes, je détraque et me surprends moi-même à glisser comme une ombre dans ton monde. Sans toi, je fais les 100 pas qui mènent à notre prochain. Donne-moi la raison de ce délire. Quand tu es là, je perds tous mes moyens. Mais si tu pars, je fonctionne encore moins. 5. Ancien numéro 1 anglophone, Metric avec The Shade en anglophone. Pendant que du côté francophone, eh bien, on a entendu du Joël Saint-Pierre avec les Sampas. On entend bien les choses. On entend beaucoup, pas mal, ouais. Pas mal, je dirais presque 40 chansons dans ce top 20 francophone, top 20 anglophone. Je suis bien d'accord avec toi, Mathieu. Même si on en saute plusieurs, on aura peut-être le temps de revenir. Mais on n'a pas sauté grand chose. 3 de chaque barre à date. Ouais. C'est pas mauvais, ça, 3 de chaque barre sauté. Je sais pas. Une bonne moyenne, mais on y reviendra à la fin de l'émission. Pendant qu'on écoute les 4e places, pour l'instant, c'est en anglophone, l'ancien numéro 2, à Teen Days avec Pink. Ça fait 5 semaines que c'est là. Et l'ancien numéro 7 du côté francophone, eh bien, c'est Bernard Adamus avec Donne-moi-en qui est maintenant en 4e place. Je suis gros dur. Hey, hein? Hey, hein? Je capote bien. Ben, red. C'est pas mal, c'est fou. Au 89 FM. Le taxe qui croûte, mon petit foie ça rouge. Y'a rien qu'avance, pas ton oise qui bouge. Y'a rien qu'avance, pas ton oise qui bouge. J'ai l'imposte là-bas, pis y'aime t'en avec ça. Il dit peut-être pas, mais je sais qu'il pense tout bas. Par du scorpio, singe bonobo. Pis c'était qu'il dit une fleur en potin de taille. Achète l'épaule sur le rock'n'roll. Les gars filent d'eau, mais ça a des tours. Les gars filent d'eau, mais ça a

Un bloc qu'on s'est partagé en se disant il y en a une qui est meilleure que l'autre. Teen Days avec Pink qui descend de deux places en quatrième anglophone. Et du côté francophone, eh bien, on a fait un saut de trois places parce que la semaine dernière, il était en septième position et cette semaine, c'est en quatrième place qu'on retrouvait Bernard Adamus avec la pièce Donne-moi ça. Oui, Bernard Adamus qu'on avait en entrevue grâce à Louis-Philippe Quentin la semaine passée, ici même au Palmarès C'est fou. Mm-hmm. Ce qui me rappelle que je devrais peut-être la mettre sur le site internet à un moment donné. Oh. Donc, Bernard Adamus. ouais, ben c'est ça. Ça sera fait demain. Bonjour à faire. Donc, c'est dans les palmarès, c'est fou. On s'écoute la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. On a beaucoup de plaisir à faire ça. Il nous reste quoi, même pas une quarantaine de minutes. On même va entendre pas. Le sommet, la crème. On est rendu en troisième place. Là. On est vraiment dans le top 3, je te dirais, si on avait y donné un nom, le top 3. Si on avait y donné un nom, je suis d'accord avec toi parce une que sinon, pas moi, c'est ça. Donc, en anglophone, ce sera Destroyer avec une pièce qu'on aime bien. On l'a fait jouer ce matin à Assemblage Rookie. Oui, hey, on l'a comme découvert en même temps, celui-là. Oui, hein, honnêtement, il a passé quand même beaucoup de temps au palmarès durant l'été. Mais quand nous, on est arrivés pour commencer à animer Assemblage Requis, on a commencé à le faire jouer beaucoup, puis on a comme découvert un titillement de fantaisie dans ces pièces. On c'est pas mal bon. Ouais. Mais c'est ça l'affaire avec 40 pièces, 20 franco, 20 anglo, c'est difficile de toutes les entendre en même temps. C'est vrai. Et oui, ça fait peut-être un mois qu'on a commencé Assemblage Requis, mais ça prend ça pour écouter au rythme de 4-5 chansons par jour. On peut pas tout entendre d'un coup sec. C'est pour ça que l'émission Les Palmarès Sifou existe, pour qu'on puisse entendre la plupart des pièces de la semaine les plus populaires, finalement. Donc oui, ce sera Destroyer tantôt avec Dream Lover, mais avant ça, en francophone, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va écouter, en fait, celui qui était sur la première marche du podium, disons, ah, comme ça. Madame la sportive! Je devais faire une référence à ça. Alors, eh bien, en troisième position cette semaine, on retrouve Philippe Braque avec la pièce Christelle. Au palmarès. Au 89 FM. Mm-hmm. Mon angle mort. Tes yeux ne vieilliront jamais. Chaque essai, mais toi, pendant que tu dors, le sommeil te berce, il te garde le fort. Entre tes deux oreilles, même pas l'onde d'un remords, malgré les faux clins d'œil, les shots de fort, dans mon inconscient. Dans mon angle mort. We'll be right back. sun say you're in for surprise. All the signs are saying this way to town. All the signs are saying this way. Doctor play dead, you'd love a doctor play dead. I think, are you serene or fun? Ah shit, here comes the sun. Ah shit, here comes the sun. Notre pièce préf du moment, c'était Dream Lover avec Destroyer, stable en troisième position anglophone. Et pendant que du côté francophone, eh bien, on a entendu la pièce qui, la semaine dernière, était le top 1, et c'est Christelle de Philippe Braque. Elle est bonne, elle aussi. Elle est très bonne, elle aussi. C'est pas parce qu'on dit qu'une pièce est bonne que ça enlève quelque chose à l'autre. Eh bien non, c'est on certain. On a le droit d'aimer plusieurs pièces. On a le droit. C'est ça. De plusieurs styles différents. Ah oui, et certains styles, on a le droit de les haïr aussi. Aussi, mais ça, on les garde pour nous. C'est ça, puis on le dit à l'extérieur des ondes. Exactement. Des fois, on dit en nombre, des fois on s'échappe. Hein. Ouais. Et on a le droit, c'est pas notre palmarès, c'est le palmarès des auditeurs et des animateurs de Cifou. Exactement, on juge personne ici, vous avez le droit d'écouter ce que vous voulez. Il y en a pour tous les goûts. Et voilà. À numéro 2, anglophone maintenant, tiens, c'est Alabama Shake, c'est une pièce que je me suis habitué à apprécier avec le temps. C'est Future People qui est là depuis 3 semaines et qui monte de la 13e cette fois-ci. Et en deuxième position franco, eh bien on a fait un saut de 2 positions. C'est l'autobus des connards à l'orange. Oh bah connard toi là. Eh ben ouais, je te le dis quoi. Du coup je te dis, je suis rendu en deuxième place. Oh wow. Ouais. Ce n'est pas l'heure, c'est fou. Au 89 FM. T'es en train de lire une immense brique, puis la façon dont tu t'attriques fait travailler mes préjugés. Ça fait que moi je me dis que t'aimes. Toi le poton bouché sortirait. J'ai justement un lacet slack. Fait que je me penche pour voir du lit quoi. La réponse arrive comme une claque. Un écrivain reste dans l'autobus. Me dit que t'as un petit quelque chose. Le vieux barbu triste qui croyait au Christ. Fait que je m'imagine plein de belles affaires. J'ai vu la carte de punch dans ton cou. Fait que tu fais travailler ton cœur pis ton cerveau. Avant de passer 8 ans à vendre la merde au fou. J'suis sûr que ton pavé des frères Karamazov prend plus que la moitié de la place dans ta sacoche. Ça en laisse pas gros pour les cochonneries, c'est le fun. Peux-tu avoir de la place pour mon numéro de téléphone? Un écrivain reste

Alabama Shakes et Future People, ça monte de 11 en deuxième position anglophone. Et tout juste avant, eh bien, on a attendu les fameux connards à l'orange avec l'autobus. Délicieux, délicieux. On s'est rendu au numéro 1, mais là, on s'entend qu'il est comme moins 25. C'est vraiment beaucoup trop de bonheur. Faut laisser le suspense un peu. On a du temps. Snip! Oh, snip! Snip! Oui! Alors, on va retourner à une pièce qu'on adore tous les deux. En fait, on a quitté, on a terminé l'émission de la semaine passée avec celle-là, si je me rappelle bien. Si je me souviens bien, ouais, t'as raison. C'est la numéro 11 cette semaine en anglophone. On parle bien sûr de Yukon Blonde. Oui, avec Saturday Night, qui est en 11e position cette semaine. On a un petit peu descendu, par contre, la semaine dernière, on était en 6e place. Mais que veux-tu, hein? Faut que ça bouge dans ce palmarès-là. Ça bouge tout le temps, ça bouge, là, ça se fait aller, là. Hey, hein? Le bassin, là. Hein? C'est regarde, ça. Tania avoue que les gens, les téléspectateurs à la maison sont comblés dorénavant. C'est sûr que sur la caméra 3, présentement, ça se fait aller de tout bord de côté. Ça fait fureur. On va faire de l'argent avec ça, les amis. Boy, hey, quand le radioton que nos téléspectateurs puissent donner? Hey, ben oui, on a pensé à ça la semaine passée. Ah, c'est vrai, Matt. C'est une toute nouvelle idée, là. Les gens, si jamais vous êtes intéressés à nous entendre faire un radioton pour je ne sais quelle raison, tu sais, on veut le faire pour une cause, là, on veut pas faire 12 heures de radio pour absolument aucune raison. Ça pourrait être pour la cause de, d'avoir de l'argent, c'est fou peut-être. Genre. Ben tu sais, on était censé aller se faire donner du sang, on l'a pas fait. Hein, non, mais ça donnait pas d'argent. Ça donnait pas d'argent, mais là, faudrait le faire pour une cause. Emma Québec, ouvrez grand les oreilles, on veut se faire payer pour donner du sang! Non, je vise pas Emma Québec, mais je vise tous nos auditeurs. Oui. Peut-être que vous seriez intéressés à entendre un marathon de radio. Alors, si jamais ça vous tente, donnez-nous des idées là, sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Ça va faire ça encore une fois. Comment? Fureur. Fureur. Ouais. Puis peut-être, peut-être aurons-nous la chance de le faire un jour. Un mat-ra-tagnaton. Pour intégrer Mathieu puis Tania dedans. Malade. Un mat-ra-tagnaton. Ouais. C'est bon, ça? Puis enfin, on serait comme toujours là, puis les animateurs normaux viendraient autour de autour nous. Autour de notre. La viande autour de l'os, là. C'est toujours tombé les os. C'est ça. C'est ça. On tient le fort. C'est comme un radioston. C'est ça. On s'en va écouter You Come Down. Enfin, hein? Cette intervention qui vient de finalement se terminer. On fait du temps. Ce n'est pas mal, c'est fou. Saturday night on the town. Ah, ça là, un environnement dans cette chanson-là, ça crée une image, j'ai l'impression d'être dans un tunnel, ouais, un jeu vidéo, ouais, où tu dois éviter des chars. Ouais, ouais, ouais. Avec des polices. Dans un tunnel. Dans un tunnel. On vient de se créer un film avec la fin de cette chanson-là. Et voilà, c'est fait. You Gone Blonde avec Saturday Night. Ça descend de la 6e à la 11e anglophone. Oh oui, c'était oh oui. La seule chanson du blog, donc t'as rien à dire dans ce bout-là. Non, je suis désolée, c'est pas grave. C'est pas grave, tu vas m'aider, Tania. OK. Tu vas m'aider, c'est le moment de faire des jeux de mots poches avant les positions numéro 1. Yeah! Yeah! C'est comme, je suis, je te dirais, presque un dieu. Si on veut, des jeux de mots, hein? Hein? Confirme ça. Le petit bruit de criquet. Non, mais je suis très sarcastique. Hein. Non, t'es un bon magicien des mots, tiens. Oh, merci, mais t'es donc bien sympathique de dire ça, un magicien ou encore un joueur de sport qui pourrait se rendre à Sochi. Ou encore juste porter un manteau de Sochi pour une raison qu'on ignore, mais on le voit peut-être qu'un manteau de Sochi ouais. Dans la cafétéria. C'est 2014. 2014, tu viens de passer. Mais... Jeune homme, si tu entends ceci, tu as un manteau Sochi 2014, je cherche à savoir pourquoi. Spotted Tania Baudin, tu sais. C'est juste savoir pourquoi lui, il a un manteau de Sochi et pas nous. peut-être qu'il est un ski de fond, un joueur de ski de fond. Peut-être. Ça veut-tu dire qu'on a un athlète trifluvien qui est allé aux Jeux olympiques de Sochi en 2014 puis personne n'en a parlé? C'est pas. Ça, je veux savoir. Où est-ce que son manteau, il l'a acheté dans un magasin de sport et son manteau valant 40$? Valant 40$, comme on dit en Acadie. En Acadie. En Acadie, mettons. Et peut-être que, attends un peu, qu'est-ce qu'on dit en Acadie? On dit, moi je pars par en avant. Par en avant, on dit ça, je pense, hein? On l'expliquera tantôt. On l'explique, ouais. Puis en anglais, je fais des jeux de mots juste pour le plaisir, parce que oui. Je sais que ça va intéresser une fille qui, elle, n'est pas intéressée par moi, mais je le fais pour le kick, parce que j'ai le kick sur elle, tu sais. Oh! Puis ça débloque pas cette histoire-là, tu sais, des kicks de même, ça arrête pas si facile que ça, tu sais. Que ce soit pour, juste parce que tu veux te mettre, Rick... Ou parce que tu l'aimes vraiment. Les deux peuvent être bons, t'sais. Les tu deux peux l'aimer bien. Jusqu'à... D'ici à... Vegas, mettons. Avec Céline. Céline Dion. Céline Dion, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Explique-nous ces jeux de mots-là. OK. En fait, Mathieu nous a présenté le top 1 francophone qui, la semaine dernière, était le top 2. Et qui est quand même au palmarès depuis 4 semaines. Donc, la première place cette semaine au top 20 francophone, eh bien, c'est Olympe de Rosie Valant sur l'album Partir Avant. Le manteau valant 40$. Le manteau valant 40$ ouais, voilà, de Sochi. Et du côté anglophone, eh bien, dans le top 20, c'était à la 11e position quand même la semaine dernière. Ça fait seulement 3 semaines qu'il est dans le palmarès. Mais quand même, cette semaine, on se retrouve au top et c'est 4Kicks de Matrix sur l'album Pagans in Vegas. 4Kicks pour le kick. 4Kicks pour le kick. Et voilà. Mette Eric, juste pour ça. Ouais, ça c'était moins bon, ça. Ça c'était pas ta meilleure. Merci, mais il faut qu'il y en ait une dans la gang qui soit pas acceptable, pas selon notre les comité standards. De censure. C'est exactement. Ça, exactement. Ouais, il y a un comité dans le fond. Oui, on les a toujours bien au fond. On s'est les met dans le fond. Il y a pas là une coupe de fond. Je pense pas qu'ils auraient laissé passer et se les mettre dans le fond. Non, ça, je suis pas sûr. Mais bon, c'est pour ça qu'on les a baïonnés. Ouais. Ligotés. Et. Oui, menotté. Voilà, menotté. Ouais. Sur ce. Est-ce qu'on écoute Rosie Valant? On devrait écouter Rosie Valant, je trouve que c'est une très bonne idée. Faut pas me rester fou. 89.1 FM. I'm so glad you're back.

c'était les positions numéro 1 des palmarès C'est fou pour la semaine du 12 au 18 octobre 2015. En anglophone, on vient d'entendre Metric qui monte de 10 places avec 4 kicks sur l'album Pagans in Vegas. Et du côté francophone, eh bien, c'était Olympe de Rosie Vallon qui se retrouve sur l'album Partir avant. Déjà la fin de cette édition des palmarès C'est fou. Déjà la fin, déjà. 3 ça passe heures. Vite quand même. Mais en bonne compagnie. Hein? On aime ça, la bonne musique. Et voilà, oui, c'est ça, c'est plus ça, hein, je pense. C'est plus la bonne musique. Mais on n'a pas beaucoup parlé, en fait, cette non. semaine. On était relax. Ouais. On coanime depuis le début de la saison ensemble. Il y a des semaines où on se parle tout le temps en onde. Cette semaine, on s'est plus parlé hors onde. Mais je pense beaucoup que ça va avec la température. Tu sais, à chaque mardi, chaque fois qu'on anime les palmarès, ça fait pas beau dehors. C'est vrai, ça ne donne pas envie de jaser tant que ça. Là, mère nature, faudrait se forcer. Force-toi un petit peu. T'sais, même s'il fait froid, s'il y a un soleil, au moins, ça va nous donner envie. Un petit peu de pep. Et hein? Voilà, tu sais, c'est. Ouais, je suis. Les gens l'ont dit sur Facebook qu'on avait le pep d'un. Du gars qui a dessiné le petit point rouge, le drapeau du Japon. Oui, oui, oui, la c'était-tu la détermination? La détermination, là. Ouais, mais disons, c'est le pep. C'est ça. C'est le pep. C'est le pep. Voilà. La motivation. Que c'est bien dit, Bref, c'est bien le Japon, le point rouge? Oui, c'est bien le Japon. Je pourrais être sinon, shame on you, petit gars, on ben, spotted. C'est ça. Exactement, je voulais pas faire un TVA Sport de moi et autres bloopers de fail de gens à la télé qui disent n'importe quoi. Je préfère ça, les fails de C'est fou. Ah ben ça s'appelle un instant classique, puis ça sera peut-être de retour la semaine prochaine si j'ai le temps. Hein? Ah! Si j'ai le temps. Donc nous, ben c'est comme je disais, la fin des palmarès C'est fou. On va se retrouver la semaine prochaine en direct les mardis entre 15h et 18h. Reste à l'écoute à 19h, c'est réanimation, émission de métal et d'horreur. On passe les vendredis entre 17h et 20h, après nous, Skypunka et les Bonnets Rouges. Et finalement, les dimanches, on passe entre midi et 15h, et c'est là, en général. Cif.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados de diffusion. Tout est là, les Palmer Rest in Peace, les Zessa Classiques, les C'était Fou. Tout est là sur assemblagerequis.com. Merci beaucoup à Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. Ça fait plaisir. On se quitte avec une pièce qu'on avait sautée précédemment, c'est la 16e position francophone. Eh bien oui, la 16e position francophone qui a fait un petit drop, malheureusement, de 2 positions cette semaine, c'est J'ai plongé dans le bruit de Baden Baden. À la semaine prochaine! À la semaine prochaine! Et on trouvera ça très bien. la nuit et penser à tout ça, prolonger la nuit à, tu regardes tout bas.